était Lily, sa peau sucrée toute jolie. Si fier était son père, elle illuminait l'univers. Si belle et si fragile, comme une vie qui ne tient qu'à un fil. Un baiser doux qui est arrivé, l'ordinaire s'est effacé. Une ridule sur le rivage, emportant tout sur son passage. Une sirène venue des îles, Lily est belle au vent d'avril. Et j'imagine, je l'imagine, et j'imagine, je l'imagine, j'imagine. Si belle était sa vie, toute tracée, bien définie, un chemin lisse et sans ombrage jusqu'au moment du mariage. Une saison après l'automne, ce n'est pas la vie qui abandonne. Croiser l'hiver un beau matin, et c'est le printemps qui revient. Et j'imagine, je l'imagine. Je me suis perdu, cette lumière entreaperçue.